Deauville. Leurs parents leur avaient bien dit qu'un jour viendrait, les Blancs seraient asservis. Et maintenant, ils tendent la mort à la porte de avec le dernier, saucisson, et c'est le cul avec la dernière bible. Adieu, civilisation. Et dans les palaces en ruine, les Arabes se pavanent et ils enculent les dernières blanches mélancolées. Le dernier bébé blanc, un mongol prématuré, a été égorgé. Le dernier jour du Ramadan. Adieu, la race blanche, tu as bien joui, tu as bien fait chier. Tu crèves à la porte des mosquées. Vieux blanc, cul de jatte, les yeux crevés, les doigts coupés. Tu tends tes moignons aux Arabes magnanimes. Et tu entends le chant du muezzin. Tu te souviens du temps lointain où tu enculais les Arabes là. Tu as bien l'enculé.